Miss Multifay. Tous les soirs dès 21h. Radio Libre sur Fun Radio. Ah, d'abord, bonne année. Pareillement à toute l'équipe. Beaucoup de bonheur. Tout ça pour toi, le principal. De la santé. Ça c'est bon, ça va venir. Ça va venir petit à petit. Et puis ça commence à venir aussi une rentrée d'argent. Voilà, donc ça commence à aller mieux pour toi. Voilà. La vie reprend petit à petit le dessus. Hein, donc peut-être un petit appartement ou une maison, une villa. Ah, ça on sait pas encore. Une petite propriété pour cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un appartement, puis un enfant. Ah oui. D'accord. Propriétaire ou en location propriétaire? Proprio peut-être. Ouais. Ça serait peut-être plus sympa. Je pense. Mais attention, moi tu pourras faire ta propre déco et là ça peut être chaud là. Hein? Combien? Donc, c'est que si t'es locataire, tu vas être frustré. Il va falloir que tu gardes la porte propre et c'est un peu galère. Alors, ouais, tu fais ce que tu veux. Puis tu peux construire, Construire. Hein. Ça va dépendre de comment que ça va se passer cette année, c'est tout. Au niveau de la banque. Voilà. Très bien. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur et on espère un enfant. Avec Bibi. Bah oui. Qu'on l'embrasse bien fort. Bon, ça, il n'y a pas de problème, on l'embrasserait très fort. Donc, Gérard, tu ne pouvais pas être présent parce qu'il y a des problèmes de voiture qui ont été résolus. Ta voiture fonctionne bien, donc c'est génial. Donc, l'année 2001 refonctionne bien. Vendredi, donc je ne dis pas de débat, mais vendredi, une radio libre. Alors, en plus, déjà demain, moi, je vais aller jusqu'à 6h du matin avec, on le rappelle, entre minuit et 6h pour les amateurs de musique électronique. 6h de éclectique, drum and bass, jungle, trip-hop, techno, ambiante, house, deep house. Enfin bon, je serai là pour animer tout ça jusqu'à 6h du matin pour donner directement l'antenne à Bob, Isa et Martin. Et vendredi, encore une radio libre assez violente puisque nous irons jusqu'à 3h du matin, soit 6h de radio libre. Entre minuit et 3h, on peut l'annoncer officiellement, Gérard, là, il n'y aura pas de problème, pas de faux bons. 3h de radio libre spécial Gérard, un peu comme pourrait faire Michel Drucker des spéciales Foucault, des spéciales Cabrel ou des spéciales Sardou. Moi j'ai décidé de mettre un spécial Gérard. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que du débat. Minuit, 1h, un tour de table avec des questions que tous les auditeurs peuvent se poser te concernant où tu répondras. Donc de ta vie, de ce que tu as vécu avant la radio, pendant la radio, tes passions, ce que tu aimerais faire plus tard, tes rêves, etc. Tes soucis, tes angoisses, etc. Deux, trois questions sur l'actualité, si tu veux bien y répondre, sans aller trop loin. D'accord. Sachant que, bien sûr, tu utiliseras... pas les jokers, mais on a convenu tous les deux qu'on n'irait pas jusqu'à très très loin. Pas dans l'intimité la plus poussée. Donc ça c'est entre minuit et 1h, ça c'est uniquement entre Fildar, Manu, moi et Anka, et donc toi Gérard, donc un tour de table, il va falloir écouter ça très attentivement. Entre 1h et 2h, le débat qu'on attend depuis bien longtemps, non-stop sans coupure pub, on va faire ça non-stop pendant 1h, si on peut, 10 questions portant sur la relation amoureuse, et entre 2h et 3h, une radio libre avec cette fois-ci tous les auditeurs de Fun Radio qui pourront te poser des questions en direct. C'est sûr que bon entre 2h et 3h les questions faudra quand même les gérer au standard. Fildar et Manu seront là avec Anka pour gérer tout ça, il n'y a pas de problème de ce côté là. Gérard, tu veux peut-être fêter tes vœux à l'antenne en direct et donc faire profiter tous les auditeurs, non? Je ne sais pas, enfin tu me dis moins que. De toute manière, qu'est-ce que je peux dire, une bonne année à tous et puis beaucoup de bonheur pour ceux que. Beaucoup de la santé à ceux qui sont sur des lits d'hôpital. On pense quand même très fort à eux, malgré que c'est pas évident pour eux. Ceux, les copains Fildar, ceux qui en zonzon, comme tu dis si bien, là, ton copain, il sort quand, ton copain, là? Sort d'où? De zonzon, là. Comment il s'appelle déjà? Fofana, ouais. Tous les tolards, bien sûr, qu'on salue. Tous ceux qui sont sur la route, les routiers, les chauffeurs de taxi, bien sûr, les infirmières et les veilleurs de nuit qu'on n'oublie pas. Les fonctionnaires, non, les fonctionnaires, ils dorment depuis 17 heures. Ils dorment, c'est des feignants, alors. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bien sûr, une bonne année à toute l'équipe de Fun Radio, donc celle du Star System du matin, et puis tout ça. Voilà. C'était les vœux de Gérard de Suède. Tous debout. Avant de la pyramide, elle est blindée, R14. Dans son bel année.